Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes, mais dont tout le monde se fout. Et on commence tout de suite avec du football. On l'a appris hier soir, après la défaite de son équipe face à Zulte Waregem, Georges Lekens a été limogé du club de Bruges. Les mauvais résultats expliqueraient ce licenciement. Il semblerait aussi que la direction brugeoise n'accepte pas que Georges Lekens ne soit pas très beau. En Afghanistan, les talibans pourront se présenter et voter à la prochaine élection présidentielle. Une nouvelle qui choque l'opinion publique, mais avec les talibans, les Afghans pourront enfin s'asseoir. N'importe quoi. En France, le ministre du Travail, Michel Sapin, va être décoré par François Hollande. À l'approche de Noël, Michel Sapin va être décoré avec des boules et des guirlandes. Je le sens arriver depuis le début. Ouais, celle-là, elle était trop prévisible. Hein. Disney a annoncé hier soir le rachat de Lucasfilm. Ils veulent sortir très rapidement un 7e épisode de La Guerre des Étoiles. Oui, ce sera un épisode où Mickey affrontera Dark Vador et Minnie tombera amoureuse de Yoda. C'est ça. Et donc, Lucasfilm, c'est Lucas du self hein, qui avait la boîte de prod. Voilà. C'est pas Lucas, c'est Lucasfilm. Lucasfilm. Et pour terminer, si vous aimez les chaînes de magasins de vêtements et le cannabis, allez faire un tour chez H&Herbe. H&Herbe. C'est très dur. C'est vrai, hein. Si vous êtes animateur sur notre radio, vous faites également le matin, vous voulez nous débarrasser. Non, vous voulez avoir, un prix très intéressant de gonzesses. Les doubleurs. Très relou. Je vous l'ai fait à un très bon prix. Ah bon ? N'hésitez pas à me contacter. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Bon alors Luciano, donc tu appelles de Charleroi, 21 ans, tu fais quoi dans la vie toi? Moi je suis mécanicien. D'accord, très bien. Bon alors Luciano, on va jouer maintenant, ni oui ni non, ni vous verrez bien, le principe est simple. Une minute pour discuter avec Aline, tu arrives à lui faire dire un des trois mots que je vais te citer là, c'est gagné, sans que toi tu les dises bien entendu. Question la plus, discussion la plus naturelle possible, d'accord. Et il ne faut pas dire oui, il ne faut pas dire non, il ne faut pas dire CE ou SE, peu importe, d'accord. Stop, je peux pas dire. De quoi? Il faut pas dire stop. Non, ce, comme ça commence mal. Hein. Voilà, comme ce son ou ce perdant. D'accord ? Ok, y a pas de problème. Allez, okay. On y va, c'est parti. Ni oui, ni non, ni ce. On y va. Bonne chance. Luciano. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Très bien. Que vas-tu faire aujourd'hui ? Je vais travailler. T'aimes bien ton boulot ? Bah quand même. C'est vrai ? Et toi ? Moi, je vais aller en cours. Tu vas aller en cours ? Tout à fait. J'adore. Oh, c'est bien. Tu sors aujourd'hui, après ton boulot ? Je crois pas. Tu crois pas ? Pourquoi pas ? Pas trop envie, la semaine. T'es fatigué ? Bah, quand même. Après le boulot, t'es crevé, en fait, c'est ça ? Assez bien. Assez bien. Bien. Pardon ? J'ai rien dit. Ah. Et ben voilà, oh, malheureusement, là. Vous êtes neutralisé. Ah là là. Mais t'as été bon, Luciano. Ah hein. Ouais. T'as été bon, mais pas assez pour gagner malheureusement, puisque t'as pas réussi à lui faire dire un des trois mots. T'as bien tenu, cela dit, au passage aussi. Mais bon, malheureusement, Luciano, pas assez pour gagner, c'est dommage. Luciano, tu redonnes ta chance quand tu veux. Ok, y'a pas de soucis. Allez, salut. Passe une bonne journée, à bientôt. Allez, bonne journée, merci. Ciao. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. J'ai passé une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h, 9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Une question existentielle à base ce matin d'argent. Bien cela ? Oui. Bah, c'est ça en fait. Ma grande question du jour, c'est, je me suis demandé, c'est si on avait de l'argent liquide sur soi, est-ce qu'il faut un portefeuille étanche ou un porte-monnaie étanche pour pouvoir les garder ? Je comprends. Grande question existentielle. Bah, très. Mais évidemment. Bon, on va appeler donc à Villers-le-Bouillet. On va souvent là-bas. Hein. Oui, mais j'aime bien cette ville. Ouais, c'est très sympa. Allez, Villers-le-Bouillet. C'est parti, on y va, on appelle. On verra s'ils sont sympas. Bah, d'habitude, oui. Oui, allô ? Oui, bonjour, monsieur. À quel honneur ? Toff à l'appareil, monsieur. Qui ça, Toff ? Non, Toff. Toff avec PH à la fin. Ah, qui, oui. Oui. Elle ne vous connaît pas, moi, monsieur. Non, pas du tout. Mais je vous appelais parce que j'avais une petite question à vous poser. En fait, je me demandais, est-ce que vous pensez que pour avoir de l'argent liquide sur soi, on est obligé d'avoir un porte-monnaie étanche ? Eh bien, écoutez, monsieur, que ce soit mon regard, moi, ça. Je vous pose la question, monsieur. Dites, monsieur. Vous vous trompez certainement de personne. Hein. Mais pas du tout. Pas du tout. À qui vous, croyez-vous vous adresser ? Ben, à vous. Ah, oui, et vous, c'est qui ? Bah, moi, c'est Toff. Et vous, oui, c'est et vous. Moi. Et bah, vous, c'est vous. À vous, c'est vous. Et allez, bonsoir. Et allez, bonsoir. Bon, en général, le matin, on dit pas bonsoir, mais bon, on va quand même le rappeler. Hein. Oui, on va le rappeler. Allez, bonsoir. Oui. Oui, je m'excuse, nous avons été coupés, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous êtes fou, vous, monsieur. Mais pas du tout, pourquoi vous... Allez vous faire soigner. C'est une bonne idée, ouais, hein. Pourquoi pas. Il n'a pas complètement tort dans ses propos, le monsieur, à Villers-le-Bouillet. Ah bon. Bon, va te faire soigner. Bah, j'y vais. Bah, voilà, très bien. Je vais appeler mon cinquième psy de la semaine. L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous. Vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Bon, et donc du coup, il y avait aussi, après 2 ans d'attente, le grand retour de... Qui veut épouser mon fils ? Eh oui, qui veut épouser mon fils ? Eh oui, bah oui, oui. Qui veut épouser mon fils ? Eh oui, qui veut épouser mon fils ? Eh oui. Et cette année, le casting est encore plus exceptionnel que pour le premier numéro. Qui veut épouser mon fils ? Eh oui, ça va, on a compris. Hein, là, c'est bon, hein, ça va bien se passer. Donc ce matin, on va s'attarder sur celui qui va être une star de l'émission, Frédéric, 37 ans. Mais je crois que c'est sa mère qui en parle le mieux. Hein. Je vous présente mon fils Frédéric. C'est un garçon honnête, fidèle et sincère. Merci maman. Il a un cœur gros comme ça et il aime sauver les gens. Mais à force de penser aux autres, il est toujours célibataire. Eh oui, enfin, il a surtout 37 ans et le physique d'un bidochon, hein. Mais il est quand même un peu réaliste. Physique, j'ai pas de critères physiques. Parce que n'importe qui peut se mettre dans n'importe qui. D'accord. Voilà. N'importe qui peut se mettre dans n'importe qui. Et attention, il a une autre théorie, notre célibataire, quand même. Attention, celle-là fait un peu mal à la tête. Mon cœur, il fait un. La moitié, c'est moi. L'autre moitié, c'est ma femme. Ressemble les deux, j'en ai qu'un. Un, ça fait un petit caillou. Les deux familles, ça se graffe. Son marron de famille qui fait un rocher. Donc la vôtre, il fait un rocher. Après, ça fait un émir. La famille, c'est les émirs. Et ça, c'est important. Ah oui. C'est quoi, t'es lire ? Voilà, je vous présente Jean-Claude Van Damme. Oh mon Dieu. Donc, et la le famille, retour. C'est un émir, hein, du Qatar certainement, hein, probablement. Alors du coup, on lui présente Sarah, hein, qui est directement sur la même longueur d'onde que lui. Parce que moi, je suis un petit peu la faux-folle, un peu bancale du côté cérébral. Oui, bancale du côté cérébral, et elle le prouve. Parce que moi, j'ai une façon de regarder les gens. Dieu m'a donné la vue avec les yeux. Et oui, avec les yeux. Parce que certains, Dieu a donné la vue avec le nez. Mais vous les cherchez. Elle est avec les yeux, c'est quand même vachement plus sympa quand même avec les yeux. Alors. On voit oui. Dieu, hein. Bon, c'est dommage, il n'a pas fourni le cerveau avec Dieu. Mais enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez. Bon, sinon, quand Frédéric donc, sort avec ses prétendantes, à votre avis, les emmène-nous Au resto. Au ciné. Bah, pas du tout, hein. Il est beaucoup plus fun que ça. C'est sur la butte Montmartre que Frédéric a donné rendez-vous à ses 6 prétendantes pour une soirée guinguette et balmusette. Oh, eh oui, guinguette et balmusette. La butte Montmartre, ça va, c'est romantique, mais ouais. Le côté guinguette, ça vous fait rêver certainement. Guinguette et balmusette. Ah oui. Allez, on va rester dans le rêve avec ça. Écoutez bien ce beau rêve. J'aime bien découvrir, voyager, j'aime bien aussi. J'ai pas mal voyagé dans ma vie. J'ai pas mal voyagé dans ma vie. Dans ma vie. Pas ce qu'elle disait. Voilà. Ah ben, quand une fille vous dit ça, évidemment, vous pensez à des voyages au bout du monde, cela dit au passage, non? Ah oui, elle vous dit qu'elle a voyagé beaucoup, à gauche, à droite, dans sa vie, elle a voyagé énormément. Eh ben, pas des masses. Cet été, j'ai fait une semaine à Mimizan. Oui, dans les Landes. En camping, voilà. Ça, c'est du voyage. Hein. Voyage à la découverte du monde. Allez, la semaine prochaine, ce sera certainement pire, je vous le promets.